7 A. Salut. Salut. Tu ne me reconnais pas? Damien! Ah, dis donc, quelle bonne surprise! Ça me fait plaisir de te voir. Ah, moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, une éternité. Qu'est-ce que tu as changé, dis donc? Oh, je sais. Avant, j'étais plus beau. Je ne portais pas de lunettes. Tu portais pas de lunettes et tu avais les cheveux longs. Mais dis-moi, tu habites toujours à Paris? Non, j'ai changé de travail et je suis allé vivre près de Marseille. Marseille? Et tu es content? Ouais, très très content. À Paris, j'habitais dans un petit appartement et maintenant je vis dans une maison avec piscine et jardin. Et puis le climat à Marseille, c'est fantastique. Il fait toujours beau. Waouh, c'est super. Et dis-moi, les copains de la fac, tu les vois toujours? Ouf, ça fait des années que je les vois pas. J'ai perdu le contact. En plus, je viens presque jamais à Paris. C'est dommage. Et tu joues toujours au football? Ah, tu te rappelles de ça? C'est vrai, avant je jouais toutes les semaines au football, mais aujourd'hui je n'ai plus le temps. C'est dommage. Ouais, c'est la vie. Maintenant, de temps en temps, je joue au golf. Mais parlons de toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je...